maintenant sa gueule au lieu d'un nez reste à lambeau. Il vaut mieux être sur vos gardes, ou il vous fauche de son monstrueux l'assaut. L'étourdi qui parle trop finira par tôt ou tard sans vouloir. Joseph Bouquet, tiens ta langue et ta main à la hauteur du regard.